dans toute la rouge, tout si mon apprend bon vent à la campagne. Oui, mes amis sont belles bagailles. Tout si soit son café, chanter de belles chansons. Oui, mes amis sont beaux moments. Dans toute la rouge, tout si mon apprend bon vent à la campagne. Oui, mes amis sont belles bagailles. Tout petit soit son café, chanter de belles chansons. Tout petit soit son côté wafoualé, vini tombé, maman père Léo. Ben, tu sois son côté wafoualé, c'est n'en voir moins tard l'année. Papa, moi, très content. C'est nan voie mwen tablade. Maman mwen très content. C'est nan voie mwen tablade. Bel ti soit sur côté ou à poilé. C'est nan voie mwen tablade. Papa mwen très content. C'est nan voie mwen tablade. Mwen c'est belle même qui fâché. C'est nan voie mwen tablade. Maman mwen très content. C'est nan voie mwen tablade. Thank you. pralé, c'est la voix moi t'a pralé, papa moi.